Octave Mirbeau, La tristesse de Maître Pitot. Lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art libre. Ronchonnant, sacrant, crachant, Maître Pitot habillait ses chevaux dans l'écurie et se préparait à partir pour le labour. Une lanterne au vitrage de corne éclairait le plafond entre les planches crevées, duquel pendaient des mèches ébouriffées de foin. Et sur les murs sordides éclaboussés de purin, se mouvait l'ombre démesurée des bêtes. Louise, la servante, se montre à la porte de l'écurie. « Hé, nous te mettre » appela-t-elle. « Nous te mettre !»« Quoi qu'y a corps ?» demanda Maître Pitot, en train de rassembler les traits de corde de l'attelage et de les rouler en un large nœud. « Quoi qu'y a encore ? Faut que vous veniez ben vite chez Point Scalacaille. Elle ne veut point se lever. » J'ai bio y foutre des coups de sabot dans le derrière, elle ne bouge point. Et puis assouffle, bon Dieu qu'assouffle. Tiens, et tu dis comme ça qu'elle ne veut point se lever, cette rosse-là. Ben non. Tiens, attends mais. Maître Pitot décrocha la lanterne et suivit la servante. Au dehors, le matin se levait à peine, tout frileux et tout pâle dans le brouillard. Un de ces brouillards jaunes de novembre, sans terre essentielle, un brouillard où les arbres et les maisons s'esquissent faiblement, puis s'effacent, se confondent avec l'atmosphère épaissie, décolorée, image attristante du néant. Dans la cour de la ferme, les poules réveillées au clairon des coqs picoraient le fumier. Au bord de la mare boueuse, les canards lissaient leurs plumes, et lentement, lourdement, pendant que le pasteur, suivi de son troupeau, s'enfonçait dans la brume comme un spectre, les vaches sortaient de l'étable, se dirigeaient vers le couchis, meuglaient en allongeant le col, et venaient, l'une après l'autre, se frotter les épaules contre le tronc du noyer, dont les branches dépouillées, ruisselantes de l'humidité de la nuit, s'égouttaient sur le sol avec un bruit de pluie. Pitot pénétra devant la Louise par une porte ouverte, et voici ce qu'il vit. Dans le sombre, au fond de l'étable, chaude comme une étuve, toute pleine de senteurs à la fois âcre et fade, de fumier et de laitage, la vache reposait, couchée sur un lit de fougère fangeuse. Ses flancs énormes, tout blancs, s'enflaient et s'aplatissaient, pareil à un soufflet de forge en marche. Ses cuisses, marbrées de taches rouges, étaient souillées d'urine et de bouse verdâtre, et de son mufle allongé sur l'ordure de la litière, sortait le bruit d'une respiration sifflante et courte. Éclairé par la Louise à qui il avait confié la lanterne, Pitot se pencha sur la vache, l'examina minutieusement, lui palpa les membres de ses grosses mains violacées, lui écarta les paupières, découvrant l'œil doux et sans pensée, où brillait un éclat de fièvre. « Na, ma caille, » fit-il tendrement, « na, ma belle caille. »« Quoi que t'as, ma poulette, ou que t'as mal, » dit ma reine, « ou que t'as mal. » Il prit dans la mangeoire une betterave qu'il rompit, en présenta successivement, après les avoir flairés, les deux morceaux à la vache, qui détourna la tête et ne bougea pas. « Qu'un ?» murmura-t-il. Son visage, semblable à une motte de terre surmontée d'une casquette, se fit soucieux tout à coup. À plusieurs reprises, Maître Pitot se gratta la tête et il s'abîma en des réflexions profondes et pénibles, pendant que Louise, balançant ses fortes hanches, regardait distraitement l'étable vide et les lourdes charpentes qui se perdaient dans l'angle noir du toit. Ayant rejeté les morceaux de betterave dans la mangeoire, il s'agenouilla sur le fumier, appliqua son oreille contre la poitrine de la vache et ferma les yeux pour mieux se recueillir et pour mieux entendre. Un rat couru, hideux, sur le montant du râtelier, se glissa aussitôt dans une fente du mur en torchis, et les poules envahirent les tables. Bon Dieu caronf ! S'écria Pitot en se relevant. Ça y bout dans le paumon, quasiment comme le cid nouvio dans une pipe. Elle est malade, cette bête. Ben suc, elle est ben malade. Ben malade. Bon sang de bon Dieu. Mais quoi qu'elle a ? La Louise ! S'il vous plaît ? Va-t'en crier dans le fournil des sacs à poum. Et puis la vieille bâche, tu sais bien la vieille bâche, adrette à mon cuvier. Bon Dieu qu'assouffle. La servante tendit la lanterne à son maître et sortit en faisant claquer ses sabots. Inquiet, le sourcil froncé, Pito se mit à tourner autour de la vache, dont les flancs de plus en plus haletaient. Et puis elle est ben malade, conclut Pito, qui jeta sa casquette sur la table d'un geste désespéré. Consterné, la Pito ne disait rien. D'apprendre tout d'un coup que sa belle vache, sa belle laitière, que la caille soufflait, enflait, ne mangeait rien, était ben malade, cela lui avait cassé l'estomac. Elle en demeurait tout étourdie. Cependant, elle se remit vite et, lançant à Pito un regard mauvais, elle cria. « À l'enf, à souffle, et puis tu restes là, t'es, comme un serin, à te gratter la tête. Tu crois peut-être que le vétérinaire s'est fait pour les chiens, espèce de grande carne. Les bêtes peuvent ben crever, c'est pas l'embarras. Tu n'en démarres pas plus qu'une souche. Y as-tu seulement mis de la paille fraîche ? Ah, bong !» L'enfant s'était remis à crier, et le berceau geignait sous l'effort de ce pauvre petit être qui se débattait contre la souffrance. Sa voix, tantôt faible comme une plainte, tantôt perçante comme un déchirement, tantôt sourde comme un râle, avait des implorations douloureuses. Mais ni le père ni la mère n'entendaient ces appels qui ne s'exprimaient que par des sons inarticulés. Tous les deux, ils continuaient de se disputer. La Pito, furieuse, gesticulait, disant « Quand tu seras là, me regarder le bec ouvert, c'est-y ça qui la fera revenir ?» Et se tournant vers la servante, elle vociférait « C'était qu'en cause, vilaine créature, tu l'auras monté à l'herbage aux Avelines, et puis elle aura brouté de la mauvaise herbe !» S'affaissant sur une chaise, elle se couvrit la figure de son tablier et pleura. « Ma pauvre caille qui est poisonnée L'enfant eut une quinte de toux. On eût dit que son corps allait se briser dans un suprême hoquet. Pito leva les yeux dans la direction du berceau, dont l'osier craquait et où l'on apercevait, au-dessus du bord, deux petites mains maigres qui se tordaient. « Tiens, c'est-il le petit gars qui gueule comme ça » demanda-t-il. « Quoi qu'il a gueulé comme ça ?»« Il n'a rien, c'est les dents. »« Ma pauvre caille, Allons, je vais crier le vétérinaire. Et puis elle n'est point encore défunte. T'as que faire de te manger les sangs d'avance. Ma pauvre caille, jamais je retrouverai l'appareil, jamais. Veux-tu ben te taire, sacré cochon? Attends, je vais te donner le fouet. » Mais la Louise avait pris l'enfant, et pendant que Pito passait sa blouse, assise près du feu, elle bourrait d'une bouillie épaisse et gluante le petit qui se débattait, vomissait et râlait. Le docteur Ragen, chaudement emmitouflé d'une peau de loup, conduisait son tilbury. Il tâchait d'éviter les ornières profondes et les grosses pierres dont les têtes rondes crevaient le chemin çà et là. Malgré sa prudence et la docilité de son cheval, les roues parfois butaient contre des pierres ou glissaient dans les trous, et la voiture dansait sur ses ressorts comme une barque secouée par la houle. Il bruinait. Des corbeaux passaient très haut dans le ciel gris, et des bandes de grives, attirées par les venelles du houx et des églantiers dont la route était bordée, de chaque côté s'élevaient, effarées, et allaient se poser sur les branches des pommiers voisins. « Bonjour, monsieur Ragen, » dit un gros homme qui, enjambant une brèche de la haie, se dressa soudain au milieu de la traverse. Il était vêtu d'un veston très court et d'un pantalon crasseux que terminaient des bottes éculées et couvertes de boue. Le docteur arrêta son cheval. « Ah, monsieur Torel, » fit-il. « Bonjour, monsieur Torel. Comme vous courez la campagne de grand matin. » Monsieur Torel souffla un instant, enleva le cache-nez de laine grise qui lui enveloppait le cou. Il répondit. « Mais oui, monsieur Ragen, j'ai à l'épine un attenais atteint de la gourme, et j'allais à travers champs jusqu'à chez maître Pio pour sa vache atteinte de pneumonie et que je soigne depuis 4 jours. » Nous avons beaucoup de pneumonie en ce moment. Tiens, mais je vais aussi chez maître Pito. Oui, je sais, pour son enfant. C'est moi qui lui ai conseillé de venir vous chercher. Il me paraît bien malade, son enfant. Mais je ne vous retiens pas, monsieur Ragen. Nous allons faire route ensemble, monsieur Torel. Montez donc avec moi. C'est que mes bottes sont crottées, monsieur Ragen. Ça ne fait rien, allez, monsieur Torel. Enfin, tout de même, monsieur Ragen, avec plaisir. un paysan qui marchait grand train apparut au détour du chemin. « Tiens, tiens, mais c'est maître Pitot !» s'écrie M. Torel, qui avait déjà une jambe sur le marchepied du Tilbury. « Eh, maître Pitot ! Bonjour, maître Pitot !»« Ben le bonjour, M. Torel et la compagnie !» fit le fermier qui s'était arrêté et se découvrait respectueusement. « Eh bien, et notre vache ?» demanda le vétérinaire. « Vous êtes ben honnête, monsieur Torel. Elle est morte à ce matin. Bon Dieu, oui. Elle tente de remettre une douve neuve à une pipe, et puis elle a passé. J'allais aux chevaux pour vous dire ne point vous déranger. Elle est morte, quoi. » Il eut un geste de colère. « Jean le malheux, il y a 3 ans, j'ont perdu 2 poulains et 1 vieux, sauf tout votre respect. L'année dernière, il nous a crevé une jument qui était pleine. » Au ce coup-ci, on ne sait point comment ça s'est fait. Toutes les poules ont péri. Et puis, à cette heure, c'est une vache, une belle vache, une vache bien râle, tout à fait râle. Il n'y a pas de bon Dieu, monsieur Torel. Bien su, il y a un sot sur nous. Il y a un sot. On moutera point de l'idée qu'il y a un sot. Pitot frappait la terre du pied et s'arrachait les cheveux. C'est que ça fait ben de l'argent, toutes ces pertes-là. Ben de l'argent. Et puis le blé ne va point, les pommes sont quasiment pour rien, et une sécheresse comme il y a eu, la viande n'a point profité. C'est ben de l'argent. Bon Dieu de bon Dieu, qui a pu nous jeter un seau ? Et l'enfant ? Demanda M. Ragen. Maître Pitot regarda le docteur comme s'il ne comprenait pas. S'il vous plaît ? Interrogea-t-il. L'enfant malade que je vais voir, comment est-il ? C'est-y point nous petit gars que vous voulez dire? Mais oui! Eh ben, il est mort, il tout.